Une odyssée en fauteuil. Que l'air est frais ce soir, que son souffle mentholé me fait du bien aux joues. Je sors rapidement de mon hameau, retrouvant peu à peu mon calme tandis que je m'enfonce dans la nature. Je roule et j'en profite. À chaque expiration, je pousse les roues de mon fauteuil avec puissance. L'inspiration me permet de reprendre des forces, de recharger d'oxygène mes poumons et mes muscles. J'allonge mes respirations. Mon esprit se discipline au rythme du soufflet régulier de ma cage thoracique. Que cette soirée d'automne est agréable. Elle m'annonce qu'il faudra se méfier des morsures de la saison suivante en me mordillant tendrement les oreilles, les joues, le nez. Conservant mon allure régulière, j'accueille les pensées positives que me murmure la végétation. Mais mon sourire est bientôt écrasé sous la montagne de points d'interrogation qui surgissent et viennent ombrager mon front. Il y a en effet plusieurs années que je n'ai pas songé à demander à Aimé si l'ouverture hebdomadaire nocturne de son magasin ne constituait pas une entrave trop importante pour lui. Annule-t-il des dîners pour moi? Peut-être a-t-il le désir de rester dans sa maison, de goûter la tranquillité du foyer? De quel droit, moi, petit Miloche, lui imposais-je de ressortir de chez lui après le dîner, de relever son rideau de fer, de se réinstaller derrière son comptoir, uniquement pour mon petit plaisir? Pour satisfaire mon désir puéril de continuer à vivre en évitant toute confrontation à la brutalité diurne de la société des hommes? Lui manifestais-je suffisamment ma reconnaissance? Je dois lui en parler ce soir, à celui que j'appelle mon père adoptif et adopté. Je suis un fils bien égoïste, comme tous les fils du reste. J'ai appris ça dans les livres. Les enfants sont une source inépuisable d'ingratitude, se déversant de façon continuelle sur leurs parents, qui, parés de leur ciré jaune de patience et d'habitude, essuient la tempête avec des sourires de géniteurs. Mais ce sourire disparaît parfois quand les parents se rebellent. « Fils, nous ne sommes pas que des producteurs de spermatozoïdes et d'ovules. Nous n'avons pas été créés dans le but de te préparer à manger, laver tes caleçons, subir ta mauvaise humeur et fermer notre bouche. Nous aussi avons été des bébés, puis des adolescents pour qui le reste du monde n'était que satellite en orbite autour de notre divine présence. » Puis de jeunes adultes conscients de leur charme, de leur fraîcheur et de leur supériorité. Et à ce moment-là, nos parents auraient mieux fait de pointer leur index sage et arthritique sur nos fronts lisses, en nous intimant de nous méfier plus tard de notre propre progéniture. Mais si les parents peuvent se révolter, ils ne peuvent quand même pas abandonner leurs enfants. Je sais que ça existe, bien sûr, mais plus dans ce monde. Tandis qu'un père adoptif peut dire du jour au lendemain, « Désolé mon petit, j'ai changé d'avis, je te désadopte. J'ai pris un nouveau fils, plus conforme à mes désirs. Voilà, ciao. » « Non Aimé, ne fais pas ça. Tu ne crois pas que le dialogue c'est mieux ? N'en arrive pas à ces extrémités. J'ai exagéré, c'est vrai, je m'en rends compte à présent. Je vais tout faire pour rattraper mes erreurs, pour te rendre l'appareil. » Mon souffle se fait plus court et je me range sur le côté pour calmer ma respiration. Je suis vidé. Ma petite promenade post-opératoire se révèle être une épreuve de force, rendue plus pénible encore par ma fatigue de convalescent. Mon paysage psychique s'assombrit lui aussi. Je ne vois que du noir et aucun moyen de trouver la sortie. La nuit sans lune ajoute au tableau sa touche épaisse de mélancolie. Elle semble maintenir sous une chape grasse le flot de mes émotions les plus cafardeuses. Tout rampe en moi. Je voudrais disparaître sur le champ. Mais je sais depuis longtemps que ce n'est pas si simple que cela. Seul sur mon fauteuil au milieu de la nature, la mine inquiète au centre d'un halo de chandelles, je prends du recul sur moi-même. Je suis un des plus noirs tableaux de Rembrandt. Quand je reprends ma route, car il le faut bien, mes bras et mes épaules sont là, épuisés par le centre moteur qui n'a désormais plus aucune envie de continuer à jouer son rôle. Je suis en rase campagne. Les lignes blanches à demi effacées se distinguent à peine dans le court faisceau lumineux. Mon fauteuil roulant n'est pas équipé de dynamo, je me demande bien pourquoi. Par chance, je connais la route. Que chemin est long! J'ai encore le temps de repenser à Aimé. J'en suis sûr à présent, il veut m'abandonner. Depuis longtemps. Pourquoi alors ne m'en a-t-il jamais parlé? Au fil des années, j'ai fini par penser que c'était un homme bon, honnête, et voilà qu'il me lâche sans prévenir. Je me suis pourtant méfié au début, car je suis extrêmement soupçonneux. pas de nature, comme j'ai eu tendance à le penser. Qui peut venir au monde avec des soupçons? C'est juste que mon optimisme naïf des débuts m'a souvent fait tomber lourdement de ma branche. Petit, je pensais l'homme d'un naturel aimable et attentionné. Quelle stupidité! J'en ai subi des revers, des déceptions. J'en ai vécu des situations ridicules. Mon armure était en papier crépon. Je me retrouve aujourd'hui à cause d'elle farcie de cicatrices. Oh, je l'ai brûlée, ma cuirasse, et avec elle ma naïveté, puis ma prévenance et ma gentillesse innée sont allées la rejoindre sur le bûcher. J'ai enterré toutes les cendres sous une abondante couche de méfiance, un épais vernis d'absence et d'invisibilité. Ma nouvelle armure est en métal plus dur que les aciers des chars russes. Essayez, vous verrez. Pour moi, à présent, chaque homme est un être abject, menteur, cupide, pervers, sournois, voleur, violeur, violent, lâche, faux, idiot. Ainsi, les rares fois où je croise un de mes contemporains, je connais son caractère. Il ne peut plus me surprendre. Quand, sur ma route, s'en présentant à qui la nature a refusé d'appliquer un de ses adjectifs, il y a parfois des anomalies, je ne peux qu'être surpris de façon positive. Je regarde alors mon interlocuteur avec circonspection, je traque la faille, le faux semblant. Je ne me départ de ma méfiance que beaucoup, beaucoup plus tard, s'il y a vraiment lieu. Ce jeu, qui n'en est pas un, m'épuise. M'épuisait, devrais-je dire, car j'ai peu à peu contourné le problème, pour ne plus croiser aujourd'hui que le minimum vital d'échantillons de la société des hommes. Mes marbres ne me déçoivent pas. Quand ils sont fêlés, je leur tape légèrement dessus. Ils me préviennent de leur voix mate. Mes poules sont égales à elles-mêmes, et Gérardo le coq a un caractère de coq, ni plus ni moins. Quand un roman m'ennuie ou m'insupporte, je le ferme à jamais. Il continue à parler à ceux qui ont envie de l'entendre. C'est cela la littérature. Mes légumes sont d'un caractère affable, un peu soupolés peut-être. Si je dose mal leur arrosage, ils se chargent d'un goût acide ou aqueux. Quant à mes bicyclettes, elles se rebellent quand je ne suis pas attentif à leur santé et que je passe plusieurs semaines sans graisser leurs chaînes, gonfler leurs roues, resserrer leurs freins, régler leurs dérailleurs. Malheureusement, tout est là pour vous dire de cesser d'être heureux, seul. Votre estomac, vos voisins, vos maladies, votre culpabilité. Je ne peux pas mettre le petit doigt ni l'oreille dehors sans entendre que l'homme est un animal social, qui doit s'entourer d'un tas d'amis, vivre parmi ses congénères, faire plusieurs enfants dans un souci de surpopulation à caractère économique, partir en vacances en groupe, travailler en équipe, pratiquer un sport collectif. Forcément, à côté de ces injonctions, je me sens défectueux, raté, anormal. Anormal, je le suis. Au sens littéral, car différent de la masse, qui, elle, me considère comme un déséquilibré. On fait ce qu'on veut des mots. Mon équilibre est parfait, en danger puisque menacé de toutes parts, mais d'une stabilité remarquable, sauf en cas de crise. À vrai dire, j'ai la nette impression d'être le plus rationnel des hommes. Je hais tous les métiers, comme dit le poète. Je me suffis à moi-même. Je tourne dans mon petit monde, tranquillement, non en rond comme on voudrait me le faire penser, mais en suivant des lignes droites, des obliques, des courbes plus ou moins gracieuses, des poses. La prochaine étape, c'est de m'aimer. Pour l'instant, je suis seul avec un homme parfaitement imparfait qui m'accompagne au long de mes voyages intérieurs. Je connais ce compagnon de route, ses défauts, ses failles, ses déformations. Je les accepte parfois comme constitutives de son être. Que les suiveurs serviles du dehors me laissent avec mes imperfections. J'ignorerai leur manque d'imagination. Je ne demande qu'une chose. Rester en dehors de ma sphère. Respectez la limite de confidentialité. Laissez-moi tranquille. Rendez-moi l'appareil en un mot. Je regrette de ne pas avoir pris mon cahier. Ça m'aurait soulagé d'y consigner tout ça. Mais je commence à distinguer dans le lointain les lumières de la ville. J'arrive bientôt dans les rues vides d'une population qui dort ou sommeille devant son poste de télévision. Je distingue des éclairs bleutés derrière les fenêtres. Je suis à bout. J'arrive enfin en vue de la roue qui file. Aimé, devant son magasin, tête une cigarette en profitant de la douceur de l'été indien. Il se tourne vers moi, l'air absent. Me reconnaissant, il exhale un nuage allongé de fumée. Miloche ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bonsoir, Aimé. Je me suis cassé la jambe. Oh là là ! Et comment t'as fait ça ? Comment t'es venu de chez toi ? Pas en fauteuil roulant, quand même. Si, je me suis dit qu'en béquille, je n'arriverai pas assez vite. Je suis désolé, mais je suis en retard. Tu ne m'en veux pas trop? Ouais, t'es fou, quoi. Je m'inquiétais, ouais. Allez, rentre vite, je vais te donner à boire. Aimé? Oui, Miloche? Tu ne vas pas m'abandonner, toi aussi? Bien sûr que non, Miloche. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression. Ici, je me mets à expulser les larmes qui tentaient d'éjecter mes globes oculaires depuis longtemps, et je sanglote fort en tendant les mains, fragile enfant qui veut qu'on le prenne dans les bras. À travers des torrents, je distingue le visage bouleversé d'Aimé. Il jette sa cigarette en se baissant pour m'étreindre maladroitement et me consoler par des paroles apaisantes. « T'es fatigué, Miloche. Viens avec moi. » Nous rentrons. Aimé m'aide à passer la marche. Pendant que j'essuie mes larmes en m'excusant, mon père adoptif, à l'œil brillant de malice et d'humidité, me regarde presque en face et me dit « Je vais te préparer un petit remontant. » Se tournant, il disparaît dans la petite pièce attenante. J'ai le temps de le voir de dos, soulever ses lunettes pour essuyer ses yeux d'un rapide mouvement de la main. Quand on connaît ses amis, on décode les moindres gestes. Je suis rassuré, il m'aime encore un peu. Lorsqu'il revient quelques minutes plus tard, deux tasses fumantes à la main, je me suis recomposé un visage, mes yeux sont secs, je vais déjà mieux. Je déteste montrer mes faiblesses. Mais après tout, je ne suis qu'un homme. Tiens, Miloche, fais attention, c'est chaud. Thé vert à la menthe, arrosé d'un doigt de rhum. Disons deux doigts. Gingembre et miel. Tu vas voir, ça ressusciterait un mort. À la tienne, collègue, nous trinquons. Si tu me racontais un peu ta semaine, Miloche, j'ai comme l'impression d'avoir raté un épisode. Je lui rapporte l'histoire par le menu. Je peux tout dire à Aimé. Je vois dans ses yeux qu'il a mal pour moi quand j'en suis à l'épisode du retour en vélo, avec mon pied qui part dans tous les sens. Il s'étonne d'une fracture de ce type, car c'est costaud en fémur. Mais il convient avec moi qu'un sommier en fer, ce n'est pas mince non plus. « En plus, c'est même pas confortable, » rajoute-t-il, indigné. Et nous dévions quelque temps sur le thème passionnant de la literie. Latte, bambou, ressort en sachet, durée de vie du matelas. Aimé n'en finit pas de s'étonner. « Moi, Miloche, j'ai réussi à passer plusieurs nuits hors de ma maison. Comble d'extravagance, je suis allé de moi-même parler à mes voisins. J'étais obligé. J'ai longtemps hésité, mais c'était la seule solution. C'est ma voisine qui m'a prêté le fauteuil. Elle est étrange. Il semble qu'elle ait un bon fond. Tu vois que le monde extérieur n'est pas toujours si effrayant que ça. Je n'ai pas dit ça, Aimé. Ma voisine, c'est l'inconnue, et en cela, elle est aussi effrayante que les autres. Mais on dirait qu'il y a des failles dans son caractère monstrueux d'être vivant. Moi qui te croyais un peu guéri. Enfin, rassure-toi, c'est comme ça que je t'aime. Merci, Aimé. Tu es aussi très important pour moi. Nous sourions tous les deux en regardant notre tasse, gênés par ce court échange sincère, un de ces dialogues semblables à une véritable épopée, un record olympique pour les mâles que nous sommes. Des mots justes. Et pour cela bien plus épuisant qu'une semaine de travail à la mine.